Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, Herbert von Karajan, le chef du siècle. Vous savez peut-être que quand on m'a nommé, j'ai dit « j'accepte avec joie ». Je ne voulais rien d'autre, mais j'ai dit « j'accepte seulement si c'est pour la vie ». Je savais que je base ma vie artistique sur ça et je voulais l'avoir jusqu'à ma mort. Cette exigence d'être nommé chef à vie de l'Orchestre philharmonique de Berlin peut paraître insolente, mais pour Herbert von Karajan, ça relevait de l'évidence. C'est à Berlin qu'il voulait être, et c'est à partir de Berlin qu'il voulait bâtir ce qui allait devenir un véritable empire musical. Le nom d'Herbert von Karajan est aujourd'hui encore synonyme d'excellence, et pour une immense majorité de mélomanes, von Karajan reste le plus grand chef d'orchestre de l'histoire du 20e siècle. Lorsqu'on est tout près, on a l'impression de sentir le souffle d'un génie collectif. Et j'ai vu que les gens étaient heureux. Par exemple, le premier violon qui est emporté par la musique regardait de l'autre côté, c'est-à-dire derrière, regardait tous ces autres violons comme pour les entraîner. Ils sont heureux. Ah oui, mais n'oubliez pas, c'est maintenant presque 24 ans qu'on est ensemble. Et là, je viens sur un point qui est énormément important, c'est la psychologie de l'orchestre. Ils peuvent avoir une âme collective. Un solo dans nos voix peut déclencher cette chose. Et tout le monde se sent ensemble, et alors c'est une union. Vous n'êtes plus devant 120 personnes. Je ne le vois même pas parce que je le dirige toujours avec les yeux fermés. Mais je suis vis-à-vis d'un être. Un être seul. Et c'est merveilleux. Et on fait les choses vraiment ensemble sans penser à ce qu'on va faire. Sur l'ouverture de Così fan tutte de Mozart, vous entendiez à nouveau Herbert von Karajan à l'émission de Jacques Chancel, Radioscopie, en 1978. Pour nous décrire ce géant de la musique au 20e siècle, j'accueille Françoise Davoine, animatrice à la retraite d'ICI Musique. Françoise Davoine, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui encore, Françoise, pour beaucoup, Herbert von Karajan reste, aujourd'hui encore, le chef du 20e siècle. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que von Karajan était un si grand chef? D'abord, c'était un immense musicien. Je pense que c'est la base de cette réputation. C'était un chef d'orchestre, c'était un cinéaste, c'était un homme d'affaires, c'était un sportif, c'était un polyglotte, c'était un passionné de technologie. Alors, c'est quelqu'un qui a utilisé toutes sortes d'avenues pour faire connaître la musique. Ça a été un médiateur exceptionnel entre l'être humain et la musique. Et un amoureux de la musique et de la beauté. Un perfectionniste. Un perfectionniste, on y reviendra peut-être un petit peu plus tard sur sa technique. Ouais. Mais en fait, c'était vraiment un immense musicien. Ouais. Ouais. On va parler justement un petit peu plus de sa technique, de sa méthode, quel genre de chef il était, en l'écoutant d'abord. Et puis on en parle ensuite ensemble, Françoise Davoine. Mais à nouveau, donc, Herbert von Karajan qui répond aux questions de Jacques Chancel à l'émission Radioscopie en 1978. Herbert von Karajan, êtes-vous sûr de vous? Oh, je dirais dans la profession, beaucoup de choses peuvent rater, parce qu'il faut spécialement dans l'opéra toujours un peu de good luck. Mais je crois, je sais ce que je veux. Et vous connaissez votre travail? J'admire les chats. Pourquoi les chats? Parce qu'un chat, s'il veut sauter sur un mur, oui, il juge. Il regarde, il dit est-ce que c'est pour moi ou non. Mais s'il saute, il arrive. Ou on reste par terre. Vous êtes un chat. Aldas, là, oui. Peut-être que je suis un faucon. Un faucon. Un demi. Une colombe de temps en temps? Non. un faucon. Chat, un faucon. Mais l'image du chat, elle est très belle. Oui. Elle est très révélatrice de la vision qu'il a, de la manière dont il travaille. Mais l'image du faucon qu'il s'attribue lui-même, elle est aussi partie prenante de ce qu'il était comme chef. Quel genre de chef il était? D'abord, avant tout, on notait la force de sa présence, que ce soit sur scène, l'intensité qu'on entend aussi dans ses enregistrements. C'était un musicien qui avait un souffle de pensée extraordinaire. Il était animé était d'une fougue passionnée. Il avait le sens du drame. Il ne faut jamais oublier qu'il a commencé à l'opéra. Puis ouais. Ça habite toute sa carrière. C'était un obsédé de la beauté du son. Il cherchait un son rond, subtil, un son précis, un son rutilant, tout ça. C'est une plénitude qu'on entend dans les enregistrements si nombreux qu'il a fait avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin. C'était vraiment un grand esthète du son. Et puis, il avait son obsession aussi du tempo juste, la quête de transparence, l'équilibre entre les sections de l'orchestre, la rigueur. Ça, je pense que c'est un terme clé aussi pour suivre toute sa vie de musicien. Discipline de fer, discipline en répétition, de fer tout le temps. Ouais. Et il travaillait la précision à l'extrême en répétition et au concert, il lâchait les rênes. Ouais, ça, c'était donc le faucon, c'est en répétition qu'on le voyait. Les gens le trouvaient très sévère. Il y en a même qui parlaient de lui comme d'un dictateur, mais il y en avait qui adoraient travailler avec lui parce que justement, il avait une telle connaissance du répertoire musical. Il était tellement sensible au moindre détail. Il travaillait les partitions à l'infini. Il dirigeait toujours par cœur. Hein. Il disait qu'il voyait les partitions défiler dans sa tête. Il dirigeait les yeux fermés. Presque toujours par cœur et très, très, très souvent les yeux fermés. Ça arrive quand, j'imagine, très tôt, mais quand et comment arrive la musique dans sa vie, Françoise Darbois? Il est né à Salzbourg, dans une famille, le père était chirurgien, famille aisée, tout le monde fait de la musique, le père était clarinettiste aussi, le frère aîné joue du piano, lui est beaucoup plus petit, plus chétif, et là, il entend cette musique et il veut être musicien et il veut se démarquer. Et quand on est à Salzbourg, qui est la ville de Mozart, pour se démarquer, il faut faire fort. Hein. Alors, il s'y met, et en plus, il y a un mot dans sa vie, c'est la vitesse. Hein. Ouais. On le verra par la suite dans sa vie, les voitures de sport et tout ça, il fait du ski, bon. Donc, la vitesse. Alors, à 5 ans, il donne son premier concert en public. À 8 ans, il est admis dans une des meilleures écoles de musique, le Mozarteum de Salzbourg. Hein, ensuite, il part à Vienne. Et puis, à 15 ans, il s'en va en Italie. Il entend Toscanini diriger, le grand chef italien. Il dit, c'est ça que je veux faire. Et il a toujours dit que c'était naturel pour lui. Il a toujours pensait que c'était naturel pour lui d'être devant 100 personnes, 120 personnes, ça coulait de source. Voilà. Donc ça part très vite pour lui. Et puis il y a une ambition, une détermination. Il veut vraiment être... Il sait ce qu'il veut, c'est le chat, là. Il sait où il veut se retrouver. Il veut être chef d'orchestre. En 1929, c'est formidable comme anecdote. Von Karajan, qui veut donc absolument diriger un orchestre, force le destin, littéralement. Il organise à ses frais un concert à Salzbourg. Et ça, Françoise Davoine, ça va changer sa vie. Oui, parce qu'il va inviter des personnalités du monde musical. Alors, il s'organise sa propre audition, en fait, et ça marche. Il y a quelqu'un qui lui offre un poste à Ulm, une petite ville d'Allemagne. À l'époque, toutes les petites villes d'Allemagne ont des maisons d'opéra et des troupes d'opéra. Alors, c'est extraordinaire, parce que c'est là qu'il va s'installer, qu'il va commencer à absorber tout ce répertoire. Il apprend, il organise des concerts, pas seulement d'opéra, mais il organise des récitals, des concerts de musique de chambre et tout. Et il apprend du répertoire, il apprend par cœur les partitions, et on y retrouve déjà cette rigueur extrême qui va le caractériser. Il y a un côté sombre, par ailleurs, et ça va le suivre toute sa vie, à cette très, très grande détermination et à cette très, très grande ambition, c'est qu'en 1933, le parti nazi prend le pouvoir en Allemagne. Et Karajan, qui veut vraiment, qui veut diriger, qui veut être sur scène, décide donc, par ambition professionnelle, de devenir membre du parti nazi. Et ça, vraiment, cette décision-là, ça va le suivre. Ouais. Ça va le suivre toute sa vie. Il a 25 ans. Il a toujours dit « j'avais péché par précipitation, par ambition, justement ». Il dit « je ne suis pas Toscanini ». Toscanini était très célèbre et il pouvait se permettre de refuser. Les maisons d'opéra étaient toutes subventionnées par le gouvernement. Alors, s'il voulait diriger, il fallait qu'il ait sa carte du parti. Et en effet, ça va le suivre d'autant plus que pendant la guerre, il est allé diriger à Paris, devant un parterre nazi. Alors ça va lui prendre beaucoup... Sous le Paris occupé, ça va lui prendre beaucoup de temps avant qu'on lui pardonne. Et il n'aura pas été pardonné partout non plus. Jamais il jouera en Israël. Non, jamais. Dans les années 50, boycott. À New York, il a été très, très mal accueilli la première fois. Par la communauté juive, voilà. 37, c'est une date importante aussi. Pour la première fois, il va diriger cet orchestre qui deviendra le sien plus tard, l'Orchestre philharmonique de Berlin. Et tout de suite, il va imposer sa marque, cette rigueur, ce souci de la beauté du son, tout de suite. Et en 37, il a à peine 30 ans, hein. Il a 29 ans. Et alors, il va devenir le chef le plus haut en ville, il faut le dire. Mais à l'époque, la musique classique, on en parlait beaucoup plus qu'aujourd'hui. Hein. Ouais. Donc, tout de suite, le nom de Karajan va se mettre à circuler à Berlin. L'année suivante, en 38, l'opéra Tristan et Isolde, qu'il dirige, dirige à l'Opéra d'État de Berlin. C'est un tournant majeur pour lui. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, Françoise Davoine? Le lendemain de la première, il y a un journal qui a titré « Le miracle Karajan ». Rien de moins. Rien de moins. Alors imaginez comment a reçu cela le chef de l'Orchestre philharmonique de Berlin, qui était un très très grand chef, Wilhelm Furtwängler. Il a commencé à voir d'un œil pas trop bien, le jeune qui voyait émergeait. La compétition venir. Oui, il y avait un peu de compétition. Oui. Oui, mais ça va prendre du temps, parce que c'est en 54, finalement, on y reviendra, qu'il se retrouvera vraiment à la tête de cet Orchestre philharmonique de Berlin. 39, premier disque pour lui. Premier disque, devinez quel compositeur il enregistre. Mozart, ouais. Évidemment. Ça, c'est quand même son compositeur fétiche. Hein. Il n'est pas né à Strasbourg pour rien. Et 39, c'est aussi le début de la guerre. Alors ça va être une période très difficile pour lui. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est difficile? Parce qu'il se rend compte que quand on est musicien, on est une sorte d'objet politique. Il y a des manipulations. Il va avoir de moins en moins de concerts. Et puis, même en 45, il n'en aura que deux. Alors, il finit par quitter Berlin et s'exiler en Italie, à Milan, où il dirige à la Scala. On en avait parlé dans l'émission sur Maria Callas. Ouais. Hein. Alors, et voilà, puis, ces histoires d'accompagnement intense nazi le rattrape à ce moment-là. Oui, il va vraiment tomber en disgrâce. On va l'accuser de coopération passive. Ça va prendre du temps, vraiment. Alors, ce qu'il fait, évidemment, lui, il travaille. Mm-hmm. Il le dit, je travaille ma patience, parce que c'est quelqu'un qui veut que toujours tout aille vite. Il continue son travail rigoureux sur les partitions. Il se sent très déterminé. Il approche de la quarantaine. Il est vraiment en pleine possession de ses moyens. Hein, ouais. Et il entend bien revenir sous les feux de la rampe, vraiment. Et en fait, c'est, j'allais dire, étrange. C'est peut-être pas étrange, mais c'est par le disque et par un contrat qu'il va signer avec EMI qu'il va rebondir à partir de 1946. C'est sa rédemption, vraiment. Parce qu'en 1946, il devait diriger un concert à Vienne et les Russes l'en ont empêché. Ils ont dit non, cet homme-là ne dirigera pas en public. Et il y a ce grand producteur de EMI, grand label anglais, Walter Legg, qui lui propose un contrat d'enregistrement de disques. Alors il va contourner donc cette interdiction de diriger en public en se liant à EMI. Il est payé en Suisse, donc il n'y a pas de problème. Et il va se mettre à enregistrer comme un fou. Ouais. Et Walter Legay va même fonder un orchestre, c'est ce qu'on a entendu dans l'extrait de Cosi tout à l'heure, l'orchestre Philharmonia, pour que Karajan puisse enregistrer ses disques. Il y a même un chœur qui vient avec l'orchestre. Ça va être une grande association. Oui, il faut dire qu'il arrive au bon moment aussi. Hein. Tout est à faire dans ce monde du disque. Hein. Et le micro-sillon va arriver juste après la guerre, en 1948. Et puis après ça, il y aura la stéréo dans les années 60. Enfin bref. Donc, il y a évidemment cet immense talent, mais il est vraiment arrivé au bon endroit et au bon moment. Et il a enregistré un répertoire incroyable avec les plus grands solistes aussi. Et parmi ce répertoire et parmi tous ces enregistrements, celui-ci. Parlez-nous de cet enregistrement, 5e symphonie de Beethoven. C'est un disque qui est devenu mythique, François. C'est un disque qui est devenu mythique. Écoutez, l'orchestre est rutilant. C'est une machine extraordinaire, cet orchestre philharmonique de Berlin. Ça, c'est dans la version qui est sortie au milieu des années 60. Il a fait 4 intégrales des symphonies de Beethoven, pour vous dire à quel point il aimait le disque. Et c'est le premier, d'ailleurs, à avoir fait des intégrales comme ça, de compositeurs. Et ce disque s'est vendu, il a eu un disque d'or, ça s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires en une quinzaine d'années. Quand on parle de Karajan, souvent, les gens vont dire « Ah oui, la 5e ». Alors, peut-être pas toujours cette version-là, des années 60, mais la 5e, c'est un disque, Karajan. C'est une œuvre et c'est un disque, celui-là, de référence. Absolument, absolument. Mais il y en aura plein d'autres. Mais il y en aura plein d'autres. C'est fou comme il enregistre. C'est incroyable, il n'arrête pas d'enregistrer. L'aventure du Philharmonique de Berlin, on le disait un peu plus tôt, ça prend quand même un peu de temps. Il est impatient, il doit patienter jusqu'en 1954 avant qu'on lui accorde finalement ce poste à vie, mais quand même, dans quel contexte il réussit à être nommé à Berlin? Il faut dire que grâce aux disques, qui se vendent partout, au milieu des années 50, il est le chef le plus célèbre au monde et il est le chef le plus influent en Europe. Alors c'est sûr que l'Orchestre philharmonique de Berlin, à la mort de Wilhelm Furtwängler, a voulu avoir ce chef-là, qu'il connaissait d'ailleurs. Ouais. Et c'est les musiciens aussi qui choisissent leur chef dans les orchestres philharmoniques. Donc ils sont allés le chercher, mais lui a mis cette condition. Voilà. Ouais. Mais il avait les moyens de mettre cette condition. Mais, parce qu'il avait ce talent, l'orchestre le connaissait déjà, puis il avait cette ambition, c'était pas gratuit. Non. Il voulait, il va le faire. Il va bâtir un empire, en fait, à partir de Berlin. Un très grand empire. C'est un véritable stratège. Il ne faut jamais oublier ça. Hein. C'est un immense musicien, mais comme je le disais, c'est un homme d'affaires. C'est un stratège. Alors, il va avoir 3 orchestres. Hein, 3 compagnies de 10. Donc, il va enregistrer à Berlin avec une compagnie, il va enregistrer à la Scala avec une autre, il va enregistrer à Londres avec une troisième. Donc, la Scala pour l'opéra. Pour l'opéra. Ouais. Berlin pour ses grandes productions, puis EMI parce qu'il reste lié à cette compagnie qui lui a donné sa chance après la guerre. Il va faire des tournées. En 1955, il va venir en Amérique avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin. Il va venir à Toronto et à Montréal, notamment. En 1959, 4 ans plus tard, il va venir avec l'Orchestre Philharmonique de Vienne. Il reviendra au Canada aussi. Il va travailler sur une nouvelle salle de concert à Berlin. Il y pense tôt. Elle va être inaugurée en 1963. Elle est très étonnante. Hein. L'orchestre, c'est la salle encore d'aujourd'hui, vous pouvez la voir sur Internet sans problème. L'orchestre est au milieu, ouais. Au cœur. Le chef est comme un dieu. Vraiment, il est le centre de la salle. Hein. Alors, c'est extraordinaire. Et puis, en 1960, donc, arrive la stéréo qui va lui permettre d'enregistrer encore plus de disques. Donc, ouais. Il est très à l'affût, d'ailleurs. Il est très... La nouvelle technologie, ça fait partie de sa vie. Il est toujours un coup devant. Ouais. Bah, regardez, il aimait les voitures de sport. Il avait son jet privé, vous savez. Dans ces années-là, il faisait la une de Paris Match. C'est une star, de années 50-60. Méga star. Il a épousé un jeune mannequin français. C'est pour ça que vous l'avez entendu parler parfaitement français. Il a 2 petites filles. On le voit en photo partout. Il est en ski en Suisse. Il est au Japon avec le président de Sony. Il faut quand même mentionner qu'il a été le premier à rapporter un disque compact en Europe, un CD, et qu'il l'a montré aux musiciens classiques à Berlin. Il a été le premier à en faire un enregistrement sur CD. Hein. Dès qu'il y a une nouveauté technologique... Il l'adopte, en fait. Oui. Et vous disiez, vous parliez de cette salle qu'il fait construire à Berlin en 1963, où l'orchestre et le chef von Karajan sont au cœur. Ah, ouais. Ça nous en dit beaucoup sur sa personnalité. C'est une vedette, c'est un immense talent, mais il contribue lui-même à construire sa légende. Et un des outils qu'il va utiliser pour ça, c'est le cinéma, François Davoust. Oui, parce qu'on aurait pu penser que ça lui suffirait hein, d'avoir 3 orchestres, 3 maisons de 10, une salle. Non. Alors, il voulait encore aller plus loin. Et c'est là, donc, il s'est intéressé au film. Et en fait, ça, c'est les Jeux Olympiques qui lui ont donné l'idée. Il s'est dit, mais les Jeux Olympiques sont diffusés partout dans le monde. Ils sont filmés. Pourquoi on ne ferait pas la même chose avec la musique classique? On va faire des films. Et il ne pensait pas filmer des opéras, là. Filmer des concerts. Et il voulait savoir comment, il voulait apprendre le métier parce qu'il imaginait une œuvre d'art, en fait, qui mettrait en lumière un parfait équilibre entre l'image et la musique. Ouais. Et il n'est pas allé se former auprès de n'importe qui. Hein. Il a appris ça avec Henri-Georges Clouzot, qui était un grand cinéaste français qui avait eu la Palme d'Or du Festival de Cannes. Ils ont fait 6 films ensemble. Évidemment, 2 grandes personnalités ont fini par se brouiller un peu, plus ou moins. Et puis finalement, Karajan étant Karajan, il s'est dit que c'était lui qui allait le faire lui-même. Mais ça encore, c'est très, très... Il faut se replonger dans l'époque. C'est très moderne, comme très contemporain. Absolument, c'était nouveau. Alors, il a fait toutes sortes d'expériences. Vous pouvez voir certains des films sur YouTube ou sur Netflix, certains. Et il fait plein d'expériences. Et à cette époque-là, quand il s'est mis à faire du cinéma, il avait aussi plus ou moins laissé concentrer sa vie à Berlin. Et il avait créé un festival de Pâques à Salzbourg, où chaque année, il faisait des grandes œuvres symphoniques et puis une grande œuvre chorale. Alors, il s'est servi de son propre festival pour faire des expériences avec l'image, avec le son, avec les caméras. Et c'est certainement le chef dont les mains et le visage ont été le plus filmé, vraiment. Hein. Strauss, le beau Danube le bleu, qui est interprété par l'Orchestre philharmonique de Vienne au concert du Nouvel An de Vienne en 1987. C'est l'un des derniers enregistrements qu'il va faire, von Karajan, 87. Il va travailler par ailleurs jusqu'à la toute fin, Françoise Davoine. Parlez-nous un petit peu de ces dernières années. Il a toujours eu des gros problèmes de dos qui se sont accentués avec le temps, mais jusqu'au bout, il a fait des tournées, il a fait des films, il a fait des disques, donc d'autres intégrales de Beethoven. Il est retourné à l'opéra, il en a fait beaucoup, mais vers la fin de sa vie, il a décidé de réduire son répertoire. Et puis, il y a évidemment eu, comme dans tout mariage de longue durée, des tensions. Avec Berlin, on peut bien l'imaginer, quand on a une centaine de musiciens devant soi, et notamment autour de l'embauche du une clarinettiste. Puis vous savez, des femmes, il n'y en avait pas beaucoup dans l'orchestre de Berlin. Hein. Mm-hmm. La première est entrée d'ailleurs quand il était là. Et il enregistrait sans relâche. Et il a fait une dernière tournée en Amérique avec l'orchestre philharmonique de Vienne. Parce que quand il s'était tendu à Berlin, bah, il allait se consoler avec son autre orchestre, celui de Vienne, là, qu'on a entendu dans le Danube bleu. Mais ça, c'est intéressant parce que ça a été les deux grands orchestres du 20e siècle. Il était à Berlin. Bon, il a travaillé avec le philharmonique de Vienne. Mais enfin, dans le milieu, il y a toujours eu comme une espèce de rivalité entre ces deux orchestres-là. Il était où? Comment il se situait lui-même, Karajan, qui était le grand maître à Berlin par rapport à l'orchestre de Vienne? Ben, je pense qu'il avait un attachement différent aux deux orchestres. Ouais. Vienne a joué un rôle très important dans sa vie parce qu'il y a dirigé très tôt. Puis il était autrichien, il ne faut pas oublier. Hein. Puis Berlin, ben, ça a été son orchestre, son grand orchestre. Mais il avait un attachement très, très particulier avec l'orchestre philharmonique de Vienne. Et que certaines années, il a moins dirigé. Il s'est tourné aussi vers d'autres orchestres viennois, comme le symphonique. Mais il est revenu à la fin de sa vie avec cet orchestre merveilleux qu'est l'orchestre philharmonique de Vienne, avec lequel il a fait une tournée mémorable en Amérique, aux États-Unis, l'année de son décès en 1989. Ouais. Vraiment, moi, je l'ai vu diriger à Carnegie Hall quelques mois avant sa mort. Il bougeait pas. Mais il y avait une telle profondeur dans la musique dirigée du Bruckner. La salle était... On ne respirait plus. Ouais. C'était une communion. Il est vraiment parvenu à cet état de communion avec les musiciens, le public, la musique, le compositeur et lui. Là, entre tout ça, c'était absolument extraordinaire. J'en parle encore et j'ai des frissons. Et c'est lui, de fait, parce qu'il avait réussi à construire cette âme dont on parlait au tout début de l'émission, dont il parlait au tout début de l'émission, c'est lui qu'on venait voir aussi. Oui, c'était une légende. Il est devenu une légende de son vivant. Ça a été un visionnaire tellement exceptionnel. Il a tellement fait pour la musique. Alors, vous savez, on venait voir Karajan. Ouais. On venait entendre aussi l'orchestre philharmonique de Vienne, je peux vous dire. Ouais. Et il a aussi contribué, on termine là-dessus, Françoise Lavoine, mais à faire émerger tellement de grands musiciens. Anne-Sophie Mutter, mais il y en a plein d'autres. Oui, la violoniste Anne-Sophie Mutter, le pianiste Yevgeny Kissin, Luciano Pavarotti, on l'a entendu, il a été vraiment mis en vedette par Karajan aussi, le premier. Des tas de grands musiciens, des jeunes aussi. Des jeunes, il y en a beaucoup qui sont venus travailler avec lui. Il les accueillait toujours très volontiers. Donc ça a été... Enfin, sa dimension... est extraordinaire, exceptionnel, vraiment. Ouais. Et il nous laisse un héritage discographique invraisemblable. Hein, il nous laisse un regard sur la musique, aussi sur le répertoire qui est sans commune mesure, vraiment. Des centaines d'enregistrements. Françoise Lavoine, amie de l'émission, animatrice à la retraite d'ici musique, c'est toujours un infini plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir, merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.